Passer l'examen. Sujet d'examen 2. Épreuve de compréhension de l'oral. Exercice 1. Bonjour Madame Leroy, ici Martine de Fram. J'ai reçu les informations pour votre voyage en Thaïlande. Départ de Paris le samedi 14 avril, retour le 28. Le vol le moins cher est celui opéré par Aeroflot avec une escale à Moscou. C'est 679 €, mais 17h25 de voyage. Sinon, il y a de la place sur un vol direct avec Air France, seulement 11h25 de voyage, mais le prix est de 1430 €. Merci de me rappeler au plus vite pour me communiquer votre choix.